comme le Québec est beau à Saint-Armand-les-Vents. J'ai planté mon bureau en plein milieu des champs. J'ai planté tant de mots dans le désert de mon silence. Arraché de mon cerveau, le chien de la souffrance. Le cœur brisé de mes mots replante l'espérance. Pour que refleurisse ma vie, j'ai semé toutes mes pensées aux quatre vents du pays. J'ai semé liberté. Comme le Québec est beau, cet Armand les vents. J'ai planté ma maison sur la colline et nos pigeons. J'ai planté le printemps dans la terre noire de mes mots. Pour que la rose et le lys à jamais y fleurissent. Et qu'à l'automne de ma vie, je puisse encore cueillir. Les folles années de ma jeunesse où je fonçais à pleine vitesse vers l'avenir de mon grand rêve. Que la beauté du monde se lève. Saint-Armand-les-Vents, au pied du mont Pinacle, la beauté se donne en spectacle. Au printemps, des lilas jaillissent des alléluia. Tout le pays pavoise autant des fraises et des framboises. Les chevreuils à l'automne viennent tomber dans les pommes. En hiver, le soleil en flocons de neige d'or. Et tout le monde rêve encore aux prochaines merveilles. Comme le Québec est beau à Saint-Armand-les-Vents. J'ai planté des pensées au beau milieu des temps. Thank you.